Deuxième partie, l'appartement de Magis. Des fauteuils, des chaises, une commode. Une amorce de couloir avec une porte en biais donnant sur le palier et un porte-manteau. Au mur, à droite, une vue de Constantinople. Au lever du rideau, Magis est assis dans un fauteuil, en pantoufles, lisant un journal. Hortense Berthoulet est assise plus loin et tricote. Après un temps, Magis replie son journal. Magis vers le public. Je me suis retrouvé marié. Avec Charlotte? Ben non, c'était plutôt avec Hortense. L'aînée, à l'ancienneté en quelque sorte. C'est toujours très clairvoyant, les parents. L'instinct, forcément. Les Berthoulet avaient bien deviné qu'une de leurs filles m'intéressait, seulement ils se sont trompés de numéro. Ils en avaient parlé à Hortense, elle avait dit oui, elle a arrangé ça. J'ai dit bon. Et au fond, Charlotte ou Hortense. Ce que je voulais, moi, c'était pénétrer dans cet univers qui, un jour, s'était ouvert pour moi. Pénétrer, m'y installer, que ce fût par Charlotte ou par Hortense. Une porte en vaut une autre. J'étais entré au ministère aussi. Un autre univers qui me plaisait. Parce que dans les ministères, le travail, je ne dis pas qu'il ne sert à rien. Non, non, il sert. Mais au moins, on ne voit pas à quoi. Ça rassure. Pas de responsabilité, pas de patron. Enfin, un patron vague, anonyme, rafard, bon, mais ce n'était pas rafard qui me payait, vous voyez la nuance? Aussi, à mon idée, les choses iraient-elles bien mieux si tout le monde était employé de l'État? Vous me direz, et le travail? Mais les gens, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas du travail, c'est un emploi, c'est une situation, un endroit où aller tous les matins. On pourrait toujours leur faire recopier des choses. Donc, le ministère, mon mariage, le voyage de noces, à Mont-Lognon, dans l'Oise, une adresse de Raffard, le nouvel appartement. Oh, ça m'agace, toutes ces choses que j'ai encore à raconter. J'étais parti pour parler de mon âme, voilà, dans des histoires d'appartement. Mais je m'en fous, moi, de cet appartement. Je fais du folklore ou quoi? Rue de Provence, il était, ce logis. Au troisième, sans ascenseur. Ah, voilà la famille. Par le fond, entre Berthoulet, Madame Berthoulet, l'oncle de Montauban, Charlotte, Lucie, Joseph. Avec Hortense et Magis, ils forment aussitôt un groupe confus et se congratulent en disant tous ensemble les répliques suivantes. Berthoulet. Alors, les tourtereaux? Madame Berthoulet. Bonjour, Émile. Magis. Beau papa, belle maman. Hortense. Donne-moi ton chapeau. Charlotte. Tiens, tu les as achetés, tes rideaux jaunes? Lucie. Tu sais, Joseph a été augmenté. Hortense. Pas possible. Madame Berthoulet. Tante Hélène a un fibrome. À son âge. Berthoulet. C'est comme moi. Ce matin, j'ai bien cru que j'avais la grippe. Magis. Joseph, quelle bonne surprise. Hortense. Il y a de la grippe dans le quartier. Magis. L'oncle, on s'embrasse. L'oncle. Salut, salut. Berthoulet. Je lui ai dit, vous voulez savoir ce que j'en fais de vos menaces? J'en ris, monsieur, j'en ris. Magis. Ah ben ça, c'est envoyé, beau-père. Madame Berthoulet. Après tout, on ne vit qu'une fois. Hortense. Non, je les ai pris au bon marché. Magis, émergeant du tas et désignant Joseph. Le fiancé de Lucie, Joseph. Employé à la SNCF. Berthoulet émergeant également. Une famille de fonctionnaires. Nous sommes une famille de fonctionnaires. Où peut-on être mieux? Où peut-on être mieux qu'au sein du ministère? Madame Berthoulet. Ah, ces trois étages. Je dois reprendre mon souffle. Magis. Prenez, belle maman, prenez. Mais ne prenez pas tout. L'oncle qui piochait dans une assiette de biscuits. Hein? Magis. Je ne disais pas cela pour vous, l'oncle. Joseph s'approchant d'une gravure pendue à la cloison. Tiens, c'est une vue de Constantinople que tu as là. Le Bosphore. Magis. Tu connais? Joseph. Ben, je pense bien. J'ai manqué y naître. Mon père avait trouvé une situation là-bas, un peu avant ma naissance. Puis ça ne s'est pas fait. Il s'en est fallu d'un rien, j'aurais été turc. Magis. Tiens, tiens. Joseph. Je l'ai regretté souvent. Ça m'aurait bien plu. Mais maintenant, c'est fini. Atatürk a fait beaucoup de mal. Le pittoresque est mort. Plus de fesses. Magis rigolant. Plus de fesses? Mais alors à quoi ils s'occupent les gens par là le dimanche après-midi? Berthoulet. Sacré Émile, va. Toujours le petit mot pour rire. Joseph. Tu ne m'as pas compris, Émile. Le fesse est une sorte de chapeau. Tu sais qu'on doit dire Istanbul maintenant. Tu dis Constantinople, tu te retrouves fusillé. Magis. Non, Joseph. Oui, ils sont très raides là-dessus. L'oncle. Alors, cette partie, on l'a fait? Magis. Mais comment donc? On est là pour ça. Il va chercher les cartes, dispose des chaises autour de la première table. Là, pour votre whist. Il va vers la seconde table et d'une voix un peu changée. Et la jeunesse fera un rami. Charlotte. C'est ça, un rami. Berthoulet à Magis. Et là, Émile, par ici, mon garçon, vous n'allez pas gaspiller vos talents en rami, non? Magis. Mais la jeunesse. Berthoulet. Laissez la jeunesse avec la jeunesse. L'oncle. Alors, on commence ou quoi? Magis. Prenez Joseph. L'oncle. Joseph. Ce n'est pas jouer ce qu'il fait, c'est jeter des cartes. Charlotte. Pour leur ami, il sera toujours assez bon. Magis, désemparé, s'assit à la première table. Berthoulet. Allons, montrez-nous ce que vous savez faire. Magis faisant une dernière tentative. Hortense, tu ne veux pas jouer? Hortense. Oh, le rami, ce n'est plus de mon âge. Magis. Je te parlais pas du rami. Les parties sont engagées. De la deuxième table, fusent des rires. Magis se retourne pour la regarder avec nostalgie. L'oncle. Et je prends. Berthoulet à Magis. Faites attention, l'oncle ramasse tout. Magis vers le public. Était-ce juste? Non, mais était-ce juste? Je m'étais marié pour quoi? Pour y entrer dans cet œuf. La jeunesse, leur ami. Mais l'œuf, déjà, s'était refermé. Et moi dehors, exclu, rejeté. Marié, je n'intéressais plus personne. Rangé au-dessus de l'armoire, avec l'oncle. C'était Joseph, maintenant. Joseph. Charlotte. Un gage, Joseph. Vous me devez un gage. Qu'est-ce que je vais lui faire faire? Embrassez-moi sur le front. Joseph s'exécute. Rire des jeunes filles. Magis se levant. J'essayais encore. Au loin, on entend une fanfare. Charlotte va vers le palier. On entend la fanfare plus fort. Charlotte. Il y a un cortège. L'oncle. Ferme cette porte. Ça m'empêche de penser. En se retournant, Charlotte se trouve sur le palier, nez à nez avec Magis qui la rejoint. Magis. Embrasse-moi. Charlotte. Qu'est-ce qui te prend? Magis. Tu peux bien m'embrasser, non? Charlotte hésite, puis rapidement l'embrasse sur la joue. Magis. Pas comme ça, comme avant. Charlotte cherchant à se dégager. Laisse-moi, laisse-moi. Tu n'as pas honte? Je le dirai à Hortense. Magis. Donne-moi ton mouchoir. Charlotte. Mon mouchoir? Pourquoi? Magis. Comme souvenir. Charlotte. Je te déteste. Magis. Donne-le-moi. Il réussit à lui prendre son mouchoir. Charlotte. Rends-moi ce mouchoir! Berthoulet de loin. On se dispute? Charlotte allant vers la famille. Il m'a pris mon mouchoir! Berthoulet. Eh bien, mais c'est une blague, il va te le rendre. Il en a, tu penses, des mouchoirs. Hein, Émile? Charlotte toujours hors d'elle. Ce n'est pas pour ça, c'est pour avoir quelque chose de moi, il me l'a dit. Hortense. Mais pourquoi un mouchoir? Charlotte. Tout le temps, il me tourmente, il me cherche dans les coins, il me fait des propositions. Madame Berthoulet. Des propositions? Berthoulet. Ça me dépasse, moi, cette affaire-là. L'oncle continuant à jouer. Je prends. Joseph. Un mouchoir? Mais c'est du vice, ça. Lucie. Te mêle pas de ça, andouille. Madame Berthoulet. Je te l'avais dit, Gaston, de prendre des renseignements avant de donner ta fille. Magis. Oh, tout ça pour un mouchoir, c'est d'un fade. Berthoulet. Allons, Émile, rendez ce mouchoir et qu'on n'en parle plus. Madame Berthoulet. Pas du tout, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Ma fille, des propositions. Ma pauvre Hortense, va, ma pauvre Hortense. Hortense, voyons, maman, tu sais bien comment est Charlotte, elle se fait toujours des idées. Charlotte, je me fais des idées? Madame Berthoulet, certainement, tu l'auras taquiné, je suis sûr. Charlotte, il voulait m'embrasser. L'oncle protestant, mais c'est pas une partie, ça. Madame Berthoulet, venez, mon oncle. Hortense sortant avec sa mère, maman, c'est ridicule. Toute la famille sort. Berthoulet, avant de sortir, un geste d'impuissance vers Magis. Magis enchaîne avec le même geste vers le public. Voilà, vous croyez qu'Hortense m'en aurait reparlé? Qu'elle m'aurait fait une de ces bonnes scènes qui plaisaient tant à ma pauvre mère? Rien du tout. Le silence, la pierre tombale. C'était le genre chez les Berthoulet. La chose qui les gênait, on n'en parlait plus. Et j'ai commencé à m'embêter. À m'embêter, c'est le mot. Elle me plaisait bien, pourtant, Hortense. Une belle femme. Mais c'était comme si elle n'avait pas existé. Elle, les meubles, les napperons, des bouts de bois. Le vide, quoi, ma part de sommeil. J'avais un collègue au ministère, lui c'était au bureau qui somnolait. À 6 heures, il commençait à frétiller. Eh ben moi, c'était le contraire. Alors, je suis retourné chez Rose. Pourquoi? Est-ce que je sais? Il sort et revient aussitôt pour se retrouver chez Rose, qui repasse. Eugène est là. Magis. Ah merde, il y avait Eugène. Ça, je l'avais pas prévu. Eugène. Magis. Magis. Bonjour. Rose. Bonjour. Eugène. Méantre. Sacré Magis. Déjà. Magis. Et on se regardait. On se regardait là, tous les trois. Entre nous, il y avait comme un trou d'où montait une sorte de misère, de honte. Eugène. Sacré Magis. Rose écarte son fer, lève son chemisier devant elle pour le regarder, puis à Eugène. Tu devras aller faire un tour. Eugène. Si c'est ton idée, il remet son veston. Rose se gratte le coin de la bouche, Magis regarde ailleurs. Eugène. Mais je vais aller où? À l'escargot à cette heure-ci, il n'y aura personne. Rose. T'occupe pas. Je ne te dis pas de t'en aller des heures. Eugène. À Magis. Salut, si je te revois pas. Magis. Salut. Eugène près de la porte. Alors, je m'en vais? Personne ne répond. Eugène revient encore vers le milieu de la scène pour reprendre le journal. Il sort. Rose à Magis. La prochaine fois, nous irons à l'hôtel. Il aime ses aises, Eugène. Faut pas le déranger. Ben, tu viens ou quoi? Magis. Ma Rose. Ils sortent par la gauche. Presque aussitôt, Magis revient en remettant son veston. Magis, vers le public. À ce propos, tiens, il y a une remarque que je me suis faite. S'il faut en croire le système, l'amour, ça se commande pas, ni le désir. Qu'est-ce que le désir? Un feston, l'écume, l'astragale, qui va, qui vient, c'est tout ce qu'il y a de capricieux, cette affaire-là. Ce soir, en rentrant avec votre dame, vous ferez-il l'amour? Pas sûr. Ça dépendra, quoi. L'idée ne vous vient pas, en tout cas, de vous dire, tiens, Christine, minuit 22, il faut que... Un commissaire voudrait vous y forcer. Vous renacleriez, n'est-ce pas? Vous lui diriez, une minute, le désir, ça ne se commande pas, hein? Inattaquable, je pense. Bon, eh bien alors, essayez de m'expliquer. Comment il se fait qu'avec Rose, elle disait, jeudi 6h30, et le jeudi à 6h30, 6h40, paf, nous faisions l'amour, sur commande. Comme un commissaire à qui cette fois, nous aurions obtempéré. Comme dans les négoces, vous me livrerez ça jeudi à 6h30. Sur commande, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pareil pour tous, je me suis informé. La femme qu'on a pour la vie ou pour 15 jours, on se tâte, on ne sait pas trop. La femme qu'on a pour une demi-heure, on ne se tâte pas, le désir est là. Vous me direz, tiens, c'est trop facile à expliquer, c'est l'occasion à saisir. Je vous dis pas le contraire, mais l'occasion, c'est quoi? Un ordre du destin, une commande, une injonction, et le désir accourt, le désir obéit. Mais le dogme, alors, que le désir, ça se commande pas, mais le désir se commande très bien, rien que dans Paris, déjà, tous les jours, faut voir ça. Magis se retourne vers le fond où, entre-temps, dans son appartement, est revenue Hortense qui pousse devant elle un berceau. Magis. Là-dessus, Hortense et moi, nous avons eu un enfant, une fille, Béatrice. Béatrice, vous parlez d'un prénom. Une idée de belle-maman. Même que ça m'avait valu la réconciliation avec la famille. Annonçant les diverses personnes qui entrent. Beau papa, belle-maman, Lucie, Joseph, mariés maintenant. Non, pas Charlotte. Charlotte ne venait plus. Madame Berthoulet. Mon cher Émile. Magis. Belle maman. Berthoulet. Salut mon vieux. Toute la famille va se pencher sur le berceau. Magis. Vous avez vu? Sans phrase, sans explication. Enterrez le mouchoir. À force de n'en pas parler, je crois qu'il l'avait oublié. Berthoulet penché sur le berceau. Kili kili kili. Madame Berthoulet. Elle a tout à fait le sourire d'Émile. Berthoulet. Hérou, hérou, hérou, doudou. Qu'est-ce qu'elle fait la petite bête qui monte, qui monte? Lucie. Tu vas l'agiter, papa. Joseph s'approchant de la vue de Constantinople. Ah, Constantinople. Magis. Oui, Constantinople. Joseph. Tu sais ce que j'aurais bien voulu une fois dans ma vie? C'est de coucher avec une Turque. Oh, ça doit être épatant. Seulement, ça ne s'est jamais mis. Magis. Ça viendra bien. Joseph. Oh, maintenant. La famille Berthoulet amorce un mouvement de départ. Magis. Comment? Vous partez déjà? Madame Berthoulet. Un gendre qui retient sa belle-mère. Où va-t-on acquérir ça? Magis. Une belle-mère comme vous, belle-maman. Hortense. À dimanche. Hortense sort en emmenant le berceau. La famille Berthoulet sort de son côté. Magis. Puis, un jour, comme je rentrais du ministère. Hortense. Devine qui est venu cet après-midi. Non, tu ne peux pas deviner. Victor Dugommier. Magis. Dugommier. Hortense. Le fils des Dugommier, tu sais, je t'en ai parlé, qui étaient nos voisins. Puis le père est mort et Victor est parti pour l'Indochine. Il vient de revenir. Ma surprise, tu penses? Magis. Ah ah, il revient d'Indochine. Un peu safran, je parie. Hortense. Pourquoi safran? Magis. Ben, les gens qui ont été par là, ils en viennent safran, c'est connu. Hortense. Il n'est pas safran du tout. Magis. Bon, ce que j'en disais. Magis va vers l'avant de la scène, s'assied, met ses pantoufles, enlève sa cravate. Pendant ce manège, Dugommier est entré et se met en posture de causeur. Magis au public. Ce qui fait que le dimanche suivant, Dugommier. Ah, cela était dur de partir, de m'arracher. Mais il le fallait. Ici, je ne trouvais que des situations sans intérêt, sans rapport avec mes capacités. On est mesquin dans la métropole. Petites affaires, petits profits, pas d'envergure. Là-bas, c'est autre chose. Il n'empêche, quand j'ai vu les côtes de France s'estomper à l'horizon, avec un regard vers Hortense, quand j'ai pensé à tout ce que je laissais derrière moi, ma famille, mes affections les plus chères, Magis. Mais monsieur Victor, vous ne m'avez pas dit que vous étiez embarqué à Gênes. Dugommier. Oui, pourquoi? Magis. Ben, à Gênes, les côtes de France. Dugommier. C'est une manière de parler. Magis. Ah, bon. Magis vers le public. Non, au début, je n'ai pas eu de soupçon. Aucun. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Oh, j'avais bien compris qu'il l'avait aimé, Hortense, jadis, avant l'Indochine. Et elle aussi, certainement. Ils avaient dû échanger quelques baisers. Ça m'expliquait même qu'elle ait accepté de m'épouser. Elle devait désespérer, croire qu'il ne reviendrait jamais, le safran. Elle regrettait, sans doute, je n'étais pas son genre. Puis le Dugommier, forcément, avec son amour sur Hortense, il se faisait des idées. La madone, la poupée Estra, la créature de rêve. Et il me tenait pour un Jean-Foutre, c'était clair. De voir sa poupée Estra mariée à un Jean-Foutre, ça devait être pénible, je pense bien, mettez-vous à sa place. La nostalgie, quoi, les choses qui auraient pu être. Alors, je m'amusais à les emmerder. Il se retourne vers Dugommier et Hortense. Dugommier est très mondain. Ce que j'aime, c'est les meubles en pire. Magis. Question de goût. Moi, je les préfère en bois. Dugommier et Hortense échangent un regard. Hortense. Tu vois ça, Victor? Émile a toujours le mot pour rire. Magis avisant un petit paquet. Et qu'est-ce que c'est, ce petit paquet? Dugommier. Ce sont des marrons glacés. Je n'ai pas oublié qu'Hortense les aimait. Magis. Oh, mais c'est délicat, ça. C'est tout ce qu'il y a de délicat, des marrons glacés. Il en prend un. Dans les milieux modestes, c'est très apprécié, le marron glacé. Ça coûte bon, hein? C'est vrai que vous pouvez vous le permettre, monsieur Victor. Dugommier est visiblement excédé. Magis. Racontez donc, monsieur Victor, les récits de voyage. C'est rare que ce soit pas intéressant. Dugommier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Magis. Et la poulasse parlant en Indochine, c'est comment? Vous avez dû vous en donner, je suis sûr. Dugommier. Ah, pas du tout. Magis. Bah, dans ces cas-là, on prend ce qu'on trouve, hein? Pas vrai, monsieur Victor? Dugommier. Je vous assure. Magis. C'est pas un peu suifeux, la femme jaune? Puis, vers le public. Ou bien je prenais le genre cutéreux, ce que ça pouvait l'agacer, vers Dugommier. Crédier, voilà-t-il pas que je trouve plus ma pipe, ma bonne petite pipe? Oh, faites pas du pain, monsieur Victor, une bonne petite pipe, y'a que ça de vrai. Il prend encore un marron glacé, puis à Hortense. Tu vas me gronder, ma poulette, je les ai tous boulottés. C'est vrai qu'il n'y en avait pas lourd. Oh, c'est pas un reproche, monsieur Victor. Dugommier excédé. Oh, appelez-moi Victor, au moins. Magis. Je ne pourrais pas, monsieur Victor. Magis vers le public. Mais des soupçons? Non. Je m'étais bien aperçu que de temps en temps, il venait aussi l'après-midi, Dugommier, quand je n'étais pas là. À son bureau, le mardi, il restait plus tard, alors il avait congé le vendredi après-midi. Mais je croyais que ça n'allait pas plus loin, que ça se bornait aux sentiments, les confidences, les regrets, le folklore, quoi. C'est Rose qui m'y a fait penser. Un jour, elle me dit « Et ton Dugomme chose, il couche encore avec Hortense ?» Toujours simple, Rose. « Tiens, tiens, je me dis. » Et un vendredi, sous couleur d'un mal de dents, je quitte le ministère vers les 3 heures. Je rentre. Sur la pointe des pieds, il va vers la porte. À mi-chemin, il s'arrête pour montrer au public le chapeau de Dugommier. Magis. Un chapeau. Ça n'a l'air de rien, un chapeau. Et dessous, l'adultère. Toujours sur le palier, il regarde par le trou de la serrure. Ce qui lui permet de voir Dugommier qui tient une tasse de café et Hortense qui reprise des chaussettes. Dugommier à Hortense. Ma mère me donne du souci, elle ne va plus si bien. Hortense, oh, c'est l'âge, maman se plaint aussi. Dugommier, je ne sais pas si je ne vais pas l'envoyer en Suisse. Elle me demande souvent de tes nouvelles, elle t'aime bien. Hortense, j'irai la voir un de ces jours. Dugommier, ça lui fera plaisir. Pauvre maman, Son rêve aurait été de nous voir mariés. Hortense, il ne faut pas parler de ces choses-là. Dugommier, pourquoi? Il faudra bien finir par en parler. Ton mariage a été une erreur. Hortense, oui, peut-être, mais elle est faite. Dugommier, tu ne peux pas rester avec cet individu. Il est d'une bêtise, d'une grossièreté. Hortense, tu ne le connais pas. Magis vers le public. Rien de plus. C'était bien ce que je croyais, de l'écume, du clapotis. Ah, il y a de drôles de corps sur la terre. 3 semaines plus tard, par acquis de conscience, j'ai encore vérifié. Magis retourne au trou de la serrure. Il voit que Dugommier s'est rapproché d'Hortense et qu'il lui tient les mains. Dugommier. Mais je t'aime, je n'ai pas cessé de t'aimer. Là-bas, en Indochine, c'était ton image qui me hantait. Intéressé, Magis attire à lui un tabouret et s'installe. Hortense. Moi aussi, je t'aime. Dugommier. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Hortense. J'ai cru que tu m'avais oublié. Dugommier. T'oublier? Dugommier entraîne Hortense vers le divan où ils s'étendent tous les deux. Dugommier. Ma chérie. Magis, après les avoir observés, et revenant vers le public. Les premières fois, ça m'a intéressé. Oui, je croyais que j'allais me sentir vexé. Pas du tout. C'est à la longue seulement. À cause de cet air béat qu'ils avaient. Cet air heureux, comblé. Hortense, je crois bien même qu'elle en grossissait. Ça m'agaçait, mettez-vous à ma place. Cet air de pouvoir se passer de moi, derrière leurs joues lisses. Alors, je prenais la parole. Il ouvre la porte et rejoint Dugommier et Hortense, qui entre-temps ont regagné les fauteuils. Vous devriez vous marier, monsieur Victor. C'est pas une vie, ça. J'en parlais encore à Hortense hier soir dans notre dodo. Pas vrai, Hortense? Dugommier. C'est trop de sollicitude, Émile. Magis. Regardez-moi, par exemple. Tous les soirs, en me couchant, qu'est-ce que je trouve dans mon lit? Une belle petite poulette comme Hortense. Vous croyez pas que c'est agréable? Dugommier. Oh, j'en suis sûr. Magis. Supposez que j'ai une envie. Ben, je me la passe, sans me déranger. Dugommier. Oh, je vous en prie, pas de détails. Vous parlez à un célibataire? Magis. Sinon, qu'est-ce qu'on est? Un pauvre type, obligé de se rhabiller en pleine nuit pour aller pêcher une bonne femme sur le trottoir, qui vous refile de sales maladies. Hortense a un regard inquiet vers Dugommier. Dugommier. Ah, permettez, les bonnes femmes du trottoir, comme vous dites si élégamment, ce n'est pas mon genre. Magis. Ah non? Vous avez une adresse? Dugommier. Je n'ai pas d'adresse du tout. Magis. Comment que vous faites alors? Ça ne vous dit rien, peut-être, les femmes. Il y a des hommes comme ça, ce qui paraît, qui n'ont pas besoin. Hortense. Émile. Dugommier. Mon cher Émile, vous devenez indiscret. Magis. Ben quoi, entre amis? C'est une question de tempérament, il n'y a pas honte à ça, on est ce qu'on est, quoi. D'ailleurs, vous savez, j'ai tout deviné, monsieur Victor. J'ai très bien deviné. Hortense et Dugommier échangent un regard atterré. Magis. Tiens, ma pipe, où est-elle encore passée? Hortense. Qu'est-ce que tu as deviné, Émile? Magis. Ben, il paraît que lorsqu'on a tâté de la femme de couleur, les autres, ça ne vous dit plus rien, que c'est fade, ça fait produit de remplacement. Dugommier. Je n'ai jamais tâté de la femme de couleur. Magis. Non, c'est l'odeur qui dérange, peut-être. Accablé, Dugommier se prend la tête entre les mains. Magis vers le public. Jusqu'au jour où cela a commencé à me donner une sorte de détresse, parfaitement. Là, sur mon tabouret, je me sentais seul, rejeté une fois de plus, en dehors. Le dimanche après-midi, il y avait Dugommier, il y avait Hortense, il y avait moi. Moi avec eux, moi mêlé à eux. Et entre nous, comme un petit flot. Entre nous, l'amour. Je ne parle pas de l'amour Dugommier-Hortense, ça ne m'intéresse pas, ces saletés. Je parle de ce qui battait entre nous. Dugommier, ses narrés, Hortense et son tricot. Moi, à me taper les marrons glacés. Tout ce qui nous unissait, en somme. Bon, puis le vendredi, qu'est-ce qu'ils faisaient, tous les deux? Ils me rejetaient, ils se mettaient à tout accaparer, tout pour eux, comme des voleurs, me laissant plus seul qu'un pou, plus seul qu'un ton. Je n'aurais pas été là, c'était pareil. Alors, le mariage, ce n'est donc rien, la vie à deux, tout ce qu'on raconte. Il me fallait pourtant les rejoindre, dans un sens. Pendant ce soliloque, Dugommier a pris Hortense dans ses bras et l'emmène vers le divan. Hortense s'étend, Dugommier s'étend près d'elle. Magis, sur la pointe des pieds, regarde par le trou de la serrure, se relève, ouvre la porte. Hortense dans le lit. « Oh !» Elle s'accroche à Dugommier. Magis avançant, souriant. « Bravo, bravo! Mes félicitations, Hortense! C'est chaque fois un peu mieux !» Hortense. « Émile, je te jure !» Magis va jusqu'au veston de Dugommier et en retire le portefeuille. Dugommier. Qu'est-ce que vous faites? Magis. Ben, monsieur Victor, je prends votre portefeuille. Dugommier. Mais pourquoi faire? Magis. pour la contribution, monsieur Victor. Vous devez bien penser que mon modeste traitement ne suffit pas à assurer notre petit confort. Hortense et Dugommier se regardent. Hortense avec stupeur, Dugommier avec un début d'horreur. Hortense. Émile ! Magis en pochant le portefeuille. Je garde tout, n'est-ce pas ? Dugommier. Mais il y a tout mon moi ! Magis. C'est bien pour cela qu'Hortense m'a conseillé d'attendre aujourd'hui. Dugommier. Hortense ! Hortense. Mais ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas ! Magis. Ah, monsieur Victor, c'est que vous nous étonnez beaucoup. Franchement, vous êtes le premier à faire tant d'histoires. Dugommier. Le premier ? Il repousse Hortense, essaye de se lever. Magis sortant. Oh, ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Il sort. Hortense essaye de retenir Dugommier, qui avec de grands gestes furieux la repousse, remet son veston et sort. Magis revient. Il fouille dans le portefeuille, empoche l'argent, examine les différents papiers que contient le portefeuille avec des mimiques variées. Il regarde aussi une photo. Magis. La pauvre mère. Hortense jetant sur lui. Misérable, tu es content, n'est-ce pas ? Magis. Moi ? Jolie question. Qui est le cocu ici ? Hortense. Tu as voulu salir mon amour. Tu peux être satisfait, tu y es arrivé. Tu m'as déshonoré. Magis. Celle-là est bonne. C'est toi qui me trompes, mais c'est moi qui te déshonore. Original. Hortense. Cet argent que tu as volé. Oui, volé. Magis. Et lui ? Hortense. Quoi, lui ? Magis. Lui qui m'a volé ma femme. Il me vole ? Je le vole. Nous sommes quittes. Et encore, qui vole le plus ? Tu ne t'estimes qu'à 62 000 francs ? Oui, ma vieille, 62 000. Il nous avait dit qu'il en gagnait 80. Il s'est encore vanté. Hortense. Il m'a insulté. Magis. Une femme qui trompe son mari mérite d'être insultée au public. Hein ? Je pense que. Inattaquable. Hortense. Il me prend pour une voleuse, pour une putain, enteuleuse, il a dit. Mais pourquoi tu fais ça, Émile ? Ce n'est pas possible. Magis. Un homme à qui on vole sa femme, à qui on vole la femme qu'il aime, cet homme-là a le droit de faire n'importe quoi pour la reprendre. Hortense avec stupeur. Mais Émile ! Magis. Quoi ? Hortense. Je croyais que tu ne tenais plus à moi. Magis. Tu avais tort. Hortense. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. D'un air accablé, Magis la prend par les épaules. Magis. Ma pauvre Hortense, nous sommes bien malheureux, va. C'est ma faute, peut-être. Si, si, je m'en rends compte, je t'ai négligé. Mais je peux comprendre les choses, tu sais. Tu as eu une défaillance, ça arrive. Hortense. Émile. Mais cet argent. Magis. Quoi, cet argent ? Hortense. Ce n'était qu'une leçon, n'est-ce pas ? Tu vas le lui rendre. Magis. Jamais de la vie. Hortense. Mais qu'est-ce que tu veux en faire ? Magis. Je l'ai donné. Hortense. À qui ? Magis. Aux pauvres. Hortense le regarde, elle n'ose ni le croire ni le démentir. Hortense. Aux pauvres ! 62 000 francs ! Magis. C'est à partir de 62 000 francs que ça devient intéressant. Tu crois qu'il suffit de leur donner 20 francs de temps en temps, comme ta mère ? Jolie mentalité. Hortense. Mais c'est de l'argent volé ? Magis. Voler un voleur ? Hortense. Et Victor, qu'est-ce qu'il va penser ? Magis. Je me fous de ce que pense Victor. Hortense. Il va croire que nous sommes complices ? Magis, quelle importance ! Tu ne comptes pas le revoir, je pense. Tu ne vas pas le revoir ! Jure-moi que tu ne vas pas le revoir ! Hortense. Non, non, non, je te le jure ! Mais tu ne peux pas faire ça ! Il va vivre comment, ce mois-ci ? Et sa pauvre mère ? Magis. Mais je me fous de sa pauvre mère ! C'est énorme, ça ! Un voyou vient me voler ma femme, salir mon foyer, et c'est encore moi qui devrais m'occuper de sa pauvre mère ! Un monde ! Hortense s'enfuit vers le fond. Magis vers le public. C'est vrai, quand on réfléchit. C'est inouï ce qu'il faut entendre parfois. Là-dessus, vous savez ce qu'elle a fait, Hortense ? Je vous le donne en mille. Elle a tout avoué à sa maman. Pourquoi ? Parce que je sais. La confidence. Le beurre de la confidence. Sauf le coup du portefeuille, par exemple. Ça ne l'a pas raconté. Elle n'a pas dû comprendre. Pauvre Hortense. La tête, c'était pas son fort. Résultat ? Entre monsieur et madame Berthoulet, suivi d'Hortense. Madame Berthoulet prenant Magis dans ses bras. Mon cher Émile. Mon pauvre Émile. Ah, je vous avais mal jugé. Magis. Belle maman. Berthoulet serrant la main de Magis. Vous avez toute mon estime, Émile. Au nom de la famille, je vous remercie. C'est bien ce que vous avez fait là. C'est généreux. Nous aurions pu sombrer dans le drame, grâce à vous. Madame Berthoulet à Hortense. Tu peux le remercier, tu sais. Te pardonner comme ça. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui l'auraient fait. Oh, c'est Dugommier, quand je pense. Berthoulet. Chut, ne parlons plus de ce misérable. Une partie de cartes, Émile, ça vous changera les idées. Magis, l'air accablé. Si vous voulez, Madame Berthoulet. Si ce n'est pas malheureux, un garçon qui était si gai. Berthoulet. Allons, allons, Émile, il ne faut pas non plus dramatiser, tournons la page. Vous connaissez l'histoire de l'Anglais et de la tortue? Madame Berthoulet. Gaston. Magus. Laissez, belle maman, j'ai oublié. Je veux oublier. Madame Berthoulet. Ah, c'est beau ça, Émile, c'est beau. Tu vois, Hortense? Hortense. Oui, maman. Magus revient vers le public. Les Berthoulet sortent. Magus. Sauf qu'après un certain temps, je me suis rendu compte que tout avait recommencé. Je veux dire, Hortense et Dugommier. Comment s'y était-elle prise? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait su le persuader qu'elle n'était pour rien dans le coup du portefeuille. Ou peut-être que le Dugommier, il en avait pris en partie. C'est dégoûtant parfois ce que l'amour peut vous faire faire. Plus de dignité, plus rien. Mais moi, en attendant, j'étais de nouveau exclu, content pour du beurre, tout seul, perdu dans le noir. Hortense et Dugommier, pourtant, je ne pouvais pas les abandonner. Eux, ils m'écartaient, mais je ne supportais pas d'être écarté. Je croyais que le coup du portefeuille aurait suffi. Je t'en fous. Il fallait encore recommencer. Pour qu'ils cessent de m'oublier, de me rayer, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Me lamenter? Ce n'aurait pas été très digne. Le menacer? Merci bien, plus fort que moi, le Dugommier. Tandis qu'en lui prenant de l'argent, je le rattrapais, je le touchais dans son point sensible. Radin, le Dugommier, économe, offrant des marrons glacés, mais 200 grammes. Et j'y allais. Rue Juliette Dodu, il habitait, sic. Apparaît l'appartement de Dugommier. Dugommier est là, en veston d'intérieur. Dugommier en voyant entrer Magus. Vous? Magus. Ben, apparemment, monsieur Victor. Dugommier. Vous êtes un fameux misérable. Magus. Monsieur Victor, respectez-vous si peu votre maîtresse que vous ne puissiez même pas respecter son mari? Dugommier. Vous avez raison. Magus. D'autant plus que c'est à son sujet que je viens. De sa part. Dugommier. Expliquez-vous. Magus. En un sens, monsieur Victor, vous baisez ma femme. Dugommier. Moi? Magus. Ce serait-il un autre? Dugommier. Oh! Au moins, ne prenez pas ce ton. Magus. On prend le ton qu'on peut, monsieur Victor. Je suis d'une condition modeste. Et j'ai des charges. De lourdes charges. Dugommier. Moi aussi, j'ai ma mère. Magus. Ça, c'est bête comme réflexion. Moi aussi, j'ai une pauvre mère. Mais j'ai Hortense en plus. Vous trouveriez-il ça honnête, monsieur Victor, équitable, de profiter d'une femme dont la dépense retombe sur un autre? Dugommier. Monsieur. Magus. Pourquoi vous ne m'appelez plus Émile, monsieur Victor? Je me suis informé. Ce n'est pas que j'ai de ces habitudes, mais je connais des collègues qui ont parfois recours à des professionnels. La femme la plus quelconque prend toujours bien 1 000 francs, facilement. Et vous ne vous contenteriez certainement pas de la plus quelconque, je suis sûr. Avec votre beau traitement, l'hôtel, le service, vous arrivez comme rien à 2 000 francs, chaque fois. Dugommier. Mais de quoi me parlez-vous? Magus. Ben, je vous parle de l'économie que vous fait faire Hortense. Dugommier a l'air épouvanté. Alors que jusqu'ici, il a tenu les mains dans les poches, il les retire, les tient devant lui comme quelqu'un qui a peur. Magus vers le public. Là, il aurait dû se fâcher. Revenu vers Dugommier. L'économie que vous faites sur mon dos, monsieur Victor. Ou sur celui d'Hortense, si vous préférez. Hein? Sur le dos d'Hortense, celle-là est bonne, non? À 8 ou 9 fois par mois, non? C'est trop? Vous n'allez pas jusque-là? 5 fois. Mais avec Hortense, c'est mieux. Pas de risque. L'illusion d'être aimé, ça compte. Bref, je crois que si je vous demande 15 petits billets de 1 000... Dugommier, 15 000 francs? Magus. Pour le confort de notre chère Hortense. Je pensais justement lui acheter des pantoufles. De jolies pantoufles. Dugommier. Des pantoufles? Certainement. Magus. Des pantoufles. Dugommier. C'est une très jolie idée. Délicate, mais... 15 000 francs, pour des pantoufles. Magus. Oh, il faut bien d'autres choses. Hortense a besoin d'une robe de chambre aussi. Moi, je m'achèterais bien un veston d'intérieur, dans le genre du vôtre. Il tâte l'étoffe du veston de Dugommier. Ça a l'air bon, où l'avez-vous trouvé? Vous pourrez le mettre d'ailleurs, quand vous viendrez. Ma femme, mon lit, mon veston, la fraternité, quoi. 15 000, monsieur Victor. Dugommier. Mais oui, Émile, volontiers. Vous avez raison. Magus. Ben, je pense bien que j'ai raison, montrant sa tête. Ça fonctionne là-dedans. Dugommier. Mais je n'ai pas ça sur moi. Magus. En cherchant bien, monsieur Victor. Dugommier. Je vous assure. Magus. Nous sommes le 4. Vous n'allez pas dire que vous avez déjà dépensé vos 62 000 francs. C'est pas une façon de gérer son budget. Dugommier. Mais j'ai eu des choses à payer. Magus. Des choses qui passaient avant nous? Avant l'amour? Pauvre Hortense. Elle serait trop déçue de me voir rentrer les mains vides. Dugommier révolté. Ah, écoutez, vous exagérez. Magus. J'exagère. Dugommier recule. Un petit effort, monsieur Victor. Cette conversation doit vous être pénible, je m'en doute. Allons, envoyez. Terrorisé, ne quittant pas Magis des yeux, Dugommier lui remet l'argent, le reconduit jusqu'à la porte, sort avec lui. Magis revient dans son propre appartement.